et bas, Dame Terral. Une réalisation de Michel Sidorov. Premier épisode, carton. QI plus LM.aspi. Liv étage.sal plus col P. GM fragile plus. V.vivi plus cou plus DR. Vrac CH1, vrac CH2. C'est dingue comme on capte rien. C'est du sud de la préhistoire ou quoi? Carrément codé. Papa, comment je retrouve les ciseaux de cuisine dans tout ça, moi? Merde! Le gros scotch! Encore une fois, les gars, où vous avez mis ce foutu gros scotch? VR.bur plus faute. Mater.l. SDB par mini. Au fond, c'est flippant, cette montagne de carton. On dirait qu'on a mis toute notre vie méchamment en boîte pour aller la brader au marché du coin, tu trouves pas? Je trouve quoi? Non, je ne trouve rien. Hein? C'est ça le problème. Bon, écoutez les gars, je peux plus perdre mon temps à le chercher, ce gros scotch. Aujourd'hui, le gros scotch, c'est un truc essentiel pour notre survie, vous comprenez? Hein, il faut pouvoir le récupérer en moins de 10 secondes maxi. Alors, pour garantir une prise en main rapide et optimum, le gros scotch doit être remis en place après chaque utilisation. C'est pas compliqué de faire attention à ça, les gars. Papa, les gars, c'est maman et moi? Mais exactement, Louise. Les gars, c'est vous. Bon, déjà 9h du soir et on a encore un tas de cartons à boucler avant demain matin. Faut qu'on active. Vivi, t'en es où? Vingt-cinq à 30 kilomètres au cœur de paysages magnifiques, vallonné juste ce qu'il faut, dénivelé positif, sac à dos 10 kilos, pas plus. Une belle randonnée en moyenne montagne. Voilà. Je suis en train de m'offrir une belle randonnée en moyenne. J'ai lu ça sur le site manger.bouger.fr. Déménager est une activité d'intensité élevée qui équivaut, en termes de calories dépensées durant 20 minutes, à une marche avec dénivelé, à de la natation rapide, à du saut à la corde, à un sport de combat ou à une randonnée en moyenne montagne. Tout à fait ça. Alors les ciseaux pour le gros scotch, papa, je laisse tomber? Mais oui, on s'en contrefout des ciseaux, ma chérie. Faut faire avec les dents, là, à la sauvage. Avec les dents, ça va bien plus vite. Regarde ça. Papa, mais t'es trop grave, là. Tu te crois à Koh-Lanta ou quoi? Tu fais super peur en leader méga allumé, il te manque plus que les yeux injectés de sang. Bon, alors t'es plus dans mon équipe, c'est ça. Et ta mère, elle fait quoi? Vivi? Vivi, tu m'entends? Encore dans la cuisine? T'as pas fini avec les assiettes? Inspirez. Expirez. Après tout, j'ai toujours voulu vivre dans un chalet. Ça fait des années que j'en parle. Inspirez. Expirez. J'avance d'un pas ferme. Je m'oxygène à 100% de mes capacités pour tenir sur la durée. Rien à cirer d'une salle fitness au 6e sous-sol d'un grand ensemble immobilier. Non, vraiment, ça ne va pas marcher. Je ne vais pas pouvoir. Je lui avais bien dit que je n'allais pas pouvoir. Qu'est-ce qui lui arrive là? C'est quoi ce plan nervous breakdown à J-1? Sang froid, maîtrise de soi, contrôle du risque familial. Bon, allez, Vivi! Vivi, on accélère là, hein? On accélère! Oui, Vivi, un effort. Marche à un rythme concentré sans te laisser distraire par les bavardages intempestifs de tes coéquipiers. Continue et tu atteindras le refuge avant la nuit. Avec un peu de chance, tu croiseras des chevreuils. Mais au fait, j'hallucine, comment on va dormir ce soir, puisque tous les matelas ont été embarqués à midi? Ah, ça c'était prévu, ma loulou. Ce soir, on campe. Bougez pas, laissez-moi faire. J'installe le bivouac, c'est ma spécialité. Trop cool! Je t'adore, maman, quand t'es comme ça. Ouais, sauf qu'on dirait une petite fille de 5 ans. Si j'installe les duvets là, près de la fenêtre, on verra les étoiles. À cause de ces fichus rideaux, on les voyait jamais. Et peut-être qu'on sera réveillés demain matin par une famille de marmottes. Hein, elles sont pas si farouches que ça, il paraît. Maman, mais t'es où, là, avec ton histoire de marmottes? Mais je suis déjà au chalet, ma loulou. Au chalet. Bâtiment C, entrée ouest, ascenseur numéro 2, 13e étage, fond du couloir, droite. C'était Haut et Bas, d'Anne Terral. Avec Sophie Bouillou, Geoffroy Lidvan, Albertine Villain-Guimara, bruitage, Jean-François Bernard Sugy. Conseillère littéraire, Céline Geoffroy. Prise de son, montage et mixage, Delphine Baudet, Manon Houssin. Assistante à la réalisation, Alice Cachaner. Réalisation, Michel Sidorov. Enregistrement effectué les 4 et 5 septembre 2015 à Paris et au Kremlin-Bicêtre.